Ce panneau vous montre une direction obligatoire à la prochaine intersection, à gauche. Il est interdit d'aller tout droit ou de tourner à droite.